Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ahavasig ararganer, tsutsutseg urg kednevin. Ahavasig ararganer, tsutsutseg urg kednevin. Montrez-moi où est l'enveloppe. Tsutsur ure baharan. Tsutsur ure baharan. Montrez-moi où est la clé. Tsutsur ure panalin. Tsutsur ure panalin. Montrez-moi où est le rasoir. Tsutsur ure adzelin. Tsutsur ure adzelin. Montrez-moi où est le verre. Tsutsur ure kavate. Tsutsur ure kavate. Montrez-moi où est le crayon. Tsutsur ure madid. Tsutsur ure madid. Montrez-moi où est le téléphone. Tsutsur ure heratsain. Tsutsur ure heratsain. Montrez-moi où est la montre. Tsutsur ure jamatsuits. Tsutsur ure jamatsuits. Montrez-moi où sont les ciseaux. Tsutsur ure megrade. Tsutsur ure megrade. Montrez-moi où est le peigne. Tsutsur ure cendre. Tsutsur ure cendre. Montrez-moi où sont les lunettes. Tsutsur ure agnotsu. Tsutsur ure agnotsu.